me tarit, ce qui n'allait être notre fierté. Il y a 20 ans déjà, et nous sommes toujours là, bras croisés et bras levés, notre honneur et fidélité. Hommage à ceux que l'on a enterrés, hommage à ceux emprisonnés, oublions tous ceux qui nous ont quittés, jamais ceux qui nous ont pardonnés. Il y a 20 ans de cela, l'Occident est à notre combat, Doxiré et Jean Piché, Skinhead, nous étions armés. Il y a 20 ans déjà, que nous mûrissons notre combat, une défense identitaire dans une Europe en guerre. Hommage à ceux que l'on a enterrés, hommage à ceux emprisonnés, oublions tous ceux qui nous ont quittés, jamais ceux qui nous ont condamnés. Il y a 20 ans de cela, la baston, nous aimions ça, la rue était notre aire de jeu, la victoire, notre seul vœu. Il y a 20 ans déjà, la sagesse a fait ses pas, de plus en plus déterminés, on la fera par le pavé. Hommage à ceux que l'on a enterrés, hommage à ceux emprisonnés, oublions tous ceux qui nous ont